I forgive Mr. Coderre for not understanding the French language. I was asking a question about the Carré tunnel. But simplement, je répéterai pendant qu'il a un problème cerveau. Rob Ford, il ne prend jamais de pause de 30 jours, même si comme Rob, on craque pour lui. Accueillons un homme qui ne signale pas, mais qui s'écoute très bien. Voici votre animateur, Jean-Philippe Bourg! Hey! Je sais pas si c'est le mois de mai puis toute la chaleur qui vient avec quelle ça, mais chaleur. Hey, il y a du monde à soir. Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h. La soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser en plein le temps de nous remettre. Ben, nous remettre de Rob Ford encore, hein? Hey Fred, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Hey Rob Ford. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait encore, Rob? Ben oui, non, une nouvelle vidéo qui le montre en train de fumer du crack. Encore du crack? Mon Dieu, c'est devenu une habitude! C'est un peu ça le problème avec le crack, là. Ah! Ça développe l'habitude. Ah! Ouais. Et un enregistrement audio où est-ce qu'il a été misogyne avec une candidate? Encore de la misogynie? Bon, c'est rendu une habitude! Ben, c'est ça le problème avec les femmes, hein? Ah, ça... ben, oui. Laissez faire, laissez faire. Hey, en tout cas, j'espère que vous avez fait le plein de bouteilles et de bouteilles de vin, oui, et d'électricité surtout. Hein, ben, oui. Ah ben moi, le vin, c'est beau. J'en ai acheté des caisses et des caisses en 2005, là, dans le temps des apartistes. Ah oui! La ligne de pitage. M'en reste. OK. Et puis l'électricité, j'espère que... Ah, ben moi, je chauffe au gaz maintenant. Ah, c'est vrai, vous avez acheté un poêle à gaz. On oui. en parlait il y a quelques semaines. Ouais, ben oui, ça va bien? Ah, mon Dieu, c'est le jour et la nuit. Bon, mais plus besoin d'hydro au Québec. Ben non. Vous êtes mort de rire. J'ai sorti le compteur. Ah oui? Moi, oui. Ben vous êtes mort de rire parce ben que oui. vous savez que c'est à vendre, hein? Ah, c'est pas une blague. J'ai pas vu ça passer sur Kijiji. Non, en fait, c'est passé dans les petites annonces de la Gazette parlementaire. Ah, ouais, ouais. Vous savez qu'on est en période d'austérité, alors faut vendre nos actifs. Ah, ça. Il nous reste encore des actifs au Québec? Oui, trois. Hein? La SAQ, Hydro-Québec et Éric Salvaille. Éric Salvaille. Éric Salvaille, c'est pas un actif, c'est un hyperactif. De toute façon, il est déjà vendu. Bon! OK, c'est assez. On l'a essayé. Oui. Ah, non, mais c'est pas une blague. Le Québec est en faillite et un état en faillite, ben, ça prend un remède de cheval. Ben oui, mais ça tombe bien, on a un poney de Power Corporation au pouvoir. Ah. Fred, franchement. Les gens vont. Philippe Couillard n'est pas un poney, hein? C'est un pur sang arabe. Ah! Et j'aimerais. Et de toute façon, j'aimerais ça qu'on surveille un peu là, ce qu'on dit, surtout sur le Parti libéral. Vous savez, ah c'est, bon? Oui, pourquoi? Ben, en fait, c'est nos nouveaux alliés, hein, à ICI Radio Canada Coupure. Non. Et, oui. Nos nouveaux alliés. Oui, ah oui, oui, oui, non, c'est pas une blague. Je vous le dis, ça va brasser. Hein. En fait, c'est qu'ils veulent dénoncer les coupures et pas à peu près. Hein. Ah ouais. Je ne voudrais pas être dans les culottes de la ministre du patrimoine, Shelley Glover. Ah ouais, mais son mari non plus, je pense qu'il aime pas ça que vous soyez là. Mais non, mais ça va brasser à ce point-là. Non, ouais. Non, mais, oh, non, mais vous imaginez pas. Hein. Contre-offensive. En fait, c'est que Jean-Marc Fournier uh-huh. veut envoyer oh. une lettre pour sensibiliser la ministre. Et bon boy, ça va gicler. Ouais, j'espère qu'elle va tenir ses lunettes. Ah ouais. Et quand Jean-Marc mais... gicle, c'est enfin. Mais en gros, ce que je veux dire, on va faire attention. OK? Oh, ouais, parce okay. que non, mais on a des alliés. Hein. Sinon, quoi d'autre? Ben, grosse nouvelle pour Montréal, vous l'avez vu cette semaine. Hein? Un projet pilote qui. Ben, en fait, pour garder les bars ouverts jusqu'à 6h du matin, enfin, on s'occupe des vraies affaires. Oui, hein? Mais là. Moi, j'attendais ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'on est supposé être en période d'austérité. Ouais. Alors, où on va trouver l'argent pour se saouler jusqu'à 6h du matin? Ben, je sais pas, mais je sais qu'en Espagne puis en Grèce, les bars ferment jamais et ça va très bien là-bas. Ah, ben, je pense que. Alors. C'est notre nouveau modèle. Ben, faut voir ça. Okay. Quoi d'autre? Ah ben, il y a l'humoriste Mesmer qui est poursuivi en justice. Mesmer, humoriste, ça ne dit rien. Ah, c'est le mot humoriste qui vous mélange. Ouais. Ouais. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de gala des mentalistes. Non. Alors, c'est pour ça qu'on le voit souvent au gala des alliés. Ah, mais donc, ça ne dit toujours rien. Ben, le gars qui hypnotise, le gars qui... Hypnotise, c'est François Legault. Non! Pas le gars qui endort. Le gars avec les mains, là. Ah! Qui est hypnotisé. Non, en tout cas, non, Mesmer est poursuivi par un homme qui a. C'est pas... Ça, c'est pas une blague, ça, là. C'est fou, ça. Il est poursuivi par un homme qui l'aurait hypnotisé et qui est incapable d'arrêter de danser le French Cancan depuis. Ben ce n'est pas une joke. Il danse le French Cancan depuis. Oui. Oui. Pareil, imaginez le drame. Toujours porter des jartelles ben au cou. Ben oui, des petites robes à foufou. Mais faut que tu sois prêt. Ben, pareil qu'au bureau, là, il fait des présentations PowerPoint, ah, puis ça part. Non, j'espère qu'il travaille au Cirque du Soleil. C'est pas drôle. Sinon, à quoi d'autre? Ben, il y a une peine capitale qui a été complètement ratée cette semaine en Oklahoma. C'est pas... ouais, ouais, le oui, condamné aurait vécu 43 minutes d'agonie à cause d'un problème. Là, de... 43 minutes, c'est long. Là. Ouais, en même temps, 43 minutes, avez-vous regardé le Galartiste? Non. Non. C'est ça. Ça, c'est de l'agonie, mon ami. Heureusement, nos invités de ce soir ne sont pas à l'agonie. Non. Hein? Quoique c'est encore drôle, on reçoit d'abord l'ancien ministre du Tourisme, Pascal Bérubé. Ouais. Première fois que M. Bérubé vient à l'émission, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois sans limousine. Hein? Oui, oui, c'est vrai, ça, hein? C'est vrai. Quand tu pars de Matane, une Sonata, c'est long. Hein? Ça peut être long. Ça peut être long. On reçoit également la comédienne Sylvie Moreau. Oui. Très heureux. Dites-moi pas qu'ils sortent dans une galaxie près de chez vous 8 en 3D. Hey, non, Fred, c'est beaucoup plus intéressant que ça, mais on va avoir le temps d'y parler parce que la soirée est encore jeune. Wow! Bon! Comment c'est ça, ce show-là, pour aller profiter de la belle température? Ah, qui fait ça? Ah, bon. OK, Olivier? Oui, c'est moi. Oui. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée, mm-hmm, encore jeune, ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir un vidéoclip d'une chanson pour encourager les Canadiens mettant en vedette Georges Larac et Annick Jean. Ah! Et je suis tout d'un coup un peu moins optimiste pour cette série-là. Hein? On passe au courrier des auditeurs. D'abord, Stéphane Tessier nous demande « Auriez-vous trouvé mon papier à rouler dans l'auditoire la semaine passée? » Ah. Ben oui, en fait, c'est Robert Poitier qui est parti avec. Et d'ailleurs, on a une vidéo de tout ça qu'on va essayer de vendre au Toronto Star. Là. Nice. Sinon, Cal Rioux veut savoir « Est-ce que le courrier des auditeurs ne vise qu'à justifier le salaire d'Olivier? » Ah. Ben ah. Non, il sert juste à vous faire à croire que vous êtes important. Bon. Enfin, Yuva Ben Younes demande « Que pense Fred Savard de la volonté de Philippe Couillard de privatiser la SAQ? » Coudonc. Alors, Fred? Moi, je réponds pas à ça des gens qui utilisent même pas un vrai nom. Ça n'existe pas, ce monde. Non, je pense que c'est son vrai nom, Fred. Non. Ah, OK, d'accord. Vous voulez pas répondre à cause de la ligne de piquetage? OK, c'est pas grave. Oh. Oh, franchement, on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, ça va, Jean-Philippe, comment allez-vous? Mon Dieu, mais il y a donc ben du bruit! Effectivement, Jean-Philippe, c'est que je me trouve actuellement en direct hier soir à la grande manifestation des amis de Radio-Canada. Des amis de Radio... Vous avez des amis à Radio-Canada, vous? Non, pas moi, Jean-Philippe, mais Radio-Canada, oui, beaucoup d'amis. En fait, c'est que depuis une heure, il y a des gens du public, des vedettes, toutes sortes de personnes de la SRC qui marchent pour demander un moratoire sur les compressions budgétaires puis une commission parlementaire du diffuseur public. Genre, du gros niaisage, Jean-Philippe. Mais attendez un peu, il y a des coupures à Radio-Canada? Ah oui, mais rien de grave, là. Ah. Je veux dire, c'est les mêmes coupures habituelles qu'on a aux 2 ans. Là. Ah, OK, OK. Oh oui. C'est la routine, là. C'est aux 2 ans. Oh, oui. Je pense que c'est ça. Ouais, ben, oui. À la limite, c'est une non-nouvelle que je couvre aujourd'hui. Je veux dire, au bout de 3 coupures, on s'habitue, hein? Je le sais. On s'habitue à tout. Hein. Prenez-moi, par exemple. Ah oui? Vous êtes habitué à quoi, Jean-Philippe? À votre insensibilité avec et votre mauvais goût. Bon, voyez-vous? Ben oui, on s'habitue vraiment à n'importe quoi. Bon, alors Jean-Philippe, si je suis pas coupé, je vous reviendrai à plusieurs reprises au courant de l'émission, toujours en direct d'hier. Ouais, juste, pourquoi en direct d'hier? Pourquoi pas en direct d'aujourd'hui? Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'avec les coupures, hein, je vais toujours être décalé d'une journée maintenant avec vous. Ah. Je serai plus jamais en direct, c'est pour sauver un petit peu d'argent. Ah ben c'est pas fou, hein? Je sais, ça va me faire des beaux week-ends de 3 jours, Jean-Philippe. Bon, ben c'est le fun, ça. Ouais. Donc je reviendrai avec des personnalités de Radio-Canada qui vont m'expliquer pourquoi ils s'adoffent comme ça pour pas grand-chose, finalement. Bon, on se croise les doigts. Bye. OK, bye. Fred, notre premier invité. Ancien ministre du Tourisme du bref gouvernement péquiste, des rumeurs le lanceraient dans la course de la chefferie du PQ. Enfin. Accueillons le député de Matane, Matapédia, M. Pascal Bérubé! J'ai caché ma bière, là. Ah! Voulez-vous une autre bière? Oui, tantôt, hein. Donc, je vais en faire une tout de suite. Monsieur le ministre, une petite rousse. Puis vous en donnez une pas débouchée, vous ramènerez, parce qu'en il même temps, à l'opposition, dire, ça ne peut pas être... Monsieur le ministre, parce que la nouvelle ministre n'aimera pas ça. Ah, mon Dieu, j'ai-tu dit, monsieur le ministre? Oui. Je me suis échappé. Hey, c'est un souhait ou une prédiction? On s'habitue vite, hein? Je sais pas, en fait. Pas longtemps. 18 mois, c'est comme un terme de divan, un peu, là. Ouais. Ouais. Ah non, c'est vrai que c'est pas long, hein? Mais quand même, j'imagine que ça doit être moins confortable dans une Sonata. Ouais, ben là, j'ai pris le train aujourd'hui. Ah oui? Un peu entre Matane et Bâton Rouge. Et ça m'a permis de réfléchir à plein de choses, à regarder le paysage, à envisager justement de me racheter une voiture et de reprendre une vie normale, ouais. Ah. Alors, il y a du bon quand même. C'est-tu beau, le Québec? C'est beau, puis je l'ai visité bord en bord. J'ai fait tous les festivals. Alors, il y a des saisons. Hein, là. La saison du crabe, la saison du homard. Après, il y a le blé d'Inde, il y a le méchoui. Puis là, ça recommence. Et puis, il y a des festivités partout. Le tourisme, c'est entre autres ça. Ouais. Mais c'est d'aller rencontrer du monde. Et puis, c'est agréable. C'est un ministère de bonnes nouvelles. Ah, ben c'est ça, le tourisme, hein? C'est ça. C'est aller plate. Ailleurs faire quelque chose qu'on pense qui est mieux que si on restait chez soi. C'est plate de le perdre de même, hein? Mais bon, on va parler des vraies affaires. Je sais que quand on vous a invité à l'émission, vous avez écrit sur Facebook « Je serai l'invité politique de l'émission La soirée est encore jeune » animée par Jean-Philippe Vautier, vendredi prochain à Radio-Canada. Vos suggestions de blagues post-électorales et post-traumatiques sont acceptées. Alors, moi, c'est une des premières fois que je vois ça, un invité qui se prépare comme ça. Quelle est la meilleure joke post-traumatique que vous avez reçue? Il y en a eu plusieurs. Au début, on comptait les morts, il y avait des comparaisons, on essaie de s'en prendre à QS. Si on dit fois moins de députés, ils devraient peut-être disparaître. On a fait diversion. Mais sinon... La vraie bonne, là. Une vraie bonne. Ouais. Ben, on n'a pas veillé tard le soir de l'élection. Alors, la soirée était encore jeune quand on allait se coucher, puis ça tombait bien parce qu'on avait des boîtes à faire le lendemain. Ah! C'était parfait. Parfait, parfait. C'est vrai qu'elle est bonne. Notez-le, Fred. Oui, oui. Qu'on est, je la prends en note immédiatement. OK, parfait. On se paraît au Festival de l'humour. J'écoutais ça plus jeune, hein. Ah oui, non, mais ça, c'était bon, ça. Le Festival de l'humour, c'était une Avez-vous détruit... Ah non, vous avez été réélu. Vous n'avez pas détruit vos documents, vous. J'en ai gardé quelques-uns. Mais au ministère, est-ce que vous avez détruit vos boîtes? Ouais. J'ai laissé les honnête, choses. Hein. Ils m'ont donné un panache de votre région, Saint-Félicien-aux-Oux. Ouais. Un panache de caribou. Je l'ai gardé, je l'ai mis chez moi. Ah ouais? Ouais, j'ai gardé des photos de voyage. Et puis, j'ai gardé aussi les promesses de réélection qu'on nous avait faites avec des grands stratèges. C'est vrai? Alors, ça peut servir un jour là, pour un field camp, peut-être. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Mais on parlait de traumatisme. Est-ce que vous êtes traumatisé? Est-ce qu'il y a un traumatisme pour vrai au PQ? Ben, soyons honnêtes. Moi, je suis arrivé en 2007, hein, puis c'est André Boisclair qui était chef. Puis malgré ça, j'ai gagné. Ah, c'est une drôle... Alors, moi, je combats le spleen et André est un ami. On a réussi à gagner malgré ça. On allait contre-courant. Ouais. Puis après, ben 2008, Jean Charest est revenu majoritaire. Ouais. Bon, je suis resté. 2012, on est là, c'est à Bonne. Ouais. 54 sièges. Tabarouette. C'était toujours bien juste 4 de plus que le Parti libéral. Je sais, je sais, mais... Et puis là, ben on était prêts pour la suite. Et puis finalement, ben c'est ça. Fait que ma question... je suis plus disponible. Est-ce qu'il y a un vrai traumatisme? Ben, il y a des questions qui se posent, c'est sûr. Il y a des questions. Moi, je suis préoccupé sur l'avenir de ma formation politique, de mon mouvement. Je suis plutôt volontariste de nature. Je suis plutôt combatif. J'ai pas envie de rester bras croisés. Alors, j'observe ce qui se passe présentement. Okay. Et je pense pas qu'on peut excéder. Déjà, 4 ans, c'est beaucoup, là, que le Parti libéral en passe. Ils sont très, là... Ben, grâce à vous et votre loi, hein, sur les élections à date fixe. Ouais, hein? Ouais, mais les élections à date fixe, là-dessus... On vous doit un gros merci, là-dessus. Mais ça marche, c'est un gouvernement majoritaire, parce que sinon, l'opposition peut déclencher une élection et l'avantage du calendrier et pas le gouvernement. Alors, ça fonctionne quand un gouvernement majoritaire. Là, il y aura une élection le 1er octobre 2018. Alors, vous l'avez en tête, hein? J'ai pas encore le calendrier, là, mais on l'a en tête. Mais on a surtout le 7 avril en tête. Là. C'est plus cette date-là qu'on a. Oui, justement, parlons du 7 avril. En fait, samedi, donc demain, vous êtes à Laval, tout le PQ, pour parler, faire un retour. Je me trompe. Ils ont pas invité les candidats. C'est-à-dire que c'est pour les présidents de circonscription, c'est pour les bénévoles. Ouais, donc c'est... Alors, pas de Sheraton Laval en fin de semaine, pas de Carrefour Laval. Mais attendez un peu, là. C'est peut-être un plus. Non, on avait prévu les soldes. Qui va faire le bilan du PQ, alors? Les gens qui ont beaucoup de choses à dire, les bénévoles dans chacune des circonscriptions, qui vont faire un peu le bilan, leurs observations. Et puis qui vont dire qu'on aurait dû faire les choses autrement, avec raison. Puis moi, je pense que les députés pensent la même chose. Mais pourquoi les députés sont pas là? Parce qu'on a d'autres forums pour le faire. On a eu à peu près 48 heures après l'élection une rencontre où l'ensemble des candidats ont exprimé un peu ce qu'on a vu dans la campagne, comment on l'a vécu. Mm-hmm. Puis dans bien des cas, on a 24 collègues qui ont été battus. C'est quand même beaucoup. C'est pas, et 30 députés, donc il faut faire un bon bilan avant de reconstruire sur du solide. Et c'est clair que ça passe par là. Puis moi, j'ai envie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Puis 4 ans, ça sera pas trop. Justement, je lisais mon excellent avantage de Rimouski, qui est mon journal de Rimouskois, que je lis toutes les semaines. La version iPad. Android qui vient de juste de sortir. Et je lisais, j'allais dire les articles, mais c'est pas vrai. Je lisais l'article qu'il publiait chaque semaine. Et cet article-là s'intitulait... Non, il était titré « Pascal Bérubé, tenté par la chefferie du PQ ». Hey, puis là, j'étais, mon Dieu, on le reçoit cette semaine. Quel bel adon. Mais en même temps, à 34 députés, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui ne doivent pas tenter la chefferie du PQ. N'empêche, Pascal Bérubé à la chefferie du PQ, c'est vrai ça? Ben, d'abord, je savais que je venais ici aujourd'hui. Je voulais préparer quelque chose là, de ça, gros c'est fin. Ça, c'est fin. À discuter. Ouais. Mais disons que je suis déjà pas mal impliqué dans mon parti. Je suis député d'un comté de 45 municipalités. Je suis aussi porte-parole en matière de sécurité publique. Ah. Alors, sécurité publique, c'est entre autres la police et la prévention de la criminalité. Je me suis dit, avec 4 ans du Parti libéral, je vais t'occuper en masse. Oui, ça c'est clair. Il va y avoir du travail à faire. Alors déjà, juste avec ça, ça serait beaucoup. Mais sinon, je regarde l'option, je regarde le programme, je regarde les débats qui vont se profiler. Il y a des candidats qu'on pense qui vont être peut-être candidats, ouais, qui y pensent depuis beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent. Ben. Et si d'aventure, aucune de ces candidatures-là m'enthousiasmait, puis la population, puis surtout ceux qui n'ont pas voté pour nous, ben, je considérerais, je ne l'exclus pas, de me présenter moi-même, puis de prêcher de la parole aux actes, puis de proposer un certain nombre d'avenues pour la chefferie de mon parti. Mais justement, vous allez avoir quand même des grosses pointures à côté de vous si vous, par hasard, vous présentez. Tout se passe ici à peu près. Hein? Ben oui, sauf Pierre-Carl quand même. Hein? On travaille là-dessus. Ouais. Mais, pas tant que ça non plus. Non, mais on regardait les sondages là, qui ont été publiés cette semaine et on se rendait compte que c'est Gilles Duceppe qui attirait encore une fois le plus de voix pour le Parti québécois, alors qu'il n'est pas du tout dans l'entourage du Parti québécois. En fait, je veux dire, ni élu, ni candidat potentiel. On pense quoi de ça quand c'est un, je veux dire, vieux de la vieille? Est-ce que j'ai le droit de dire ça, vieux de la vieille, en parlant de Fred, vous en alliez? Ou... Non, je cherche un crayon. Ah oui, c'est ça, vieux de la vieille, oui. Activité libre, Fred. Oui, c'est bon. Non, mais c'est super intéressant, allez-y. Non, mais... Qu'est-ce que ça fait quand on a un Gilles Duceppe qui est justement pas dans l'entourage direct du parti, qui est nommé comme la personne la plus susceptible de faire lever... la porte à tarte. Je me demande qu'est-ce que ça se dit. Je me demande qu'est-ce que ça y fait à lui de voir le sondage le matin. Ben, qui ça. Ben, en fait, ça, la notoriété est pour beaucoup. Ouais. Les gens, c'est la reconnaissance des noms. Puis il y a une plus grande notoriété. On a des collègues fantastiques dans notre députation qui pourraient aspirer. Dans votre région d'origine, il y a deux jeunes. Il y a Alexandre Cloutier qui est déjà venu ici. Il y a Sylvain Godreau. Il y en a plein. Véronique Yvon. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont décider d'aller à chefferie? Je le sais pas. Mais ils ont une contribution à amener, c'est clair. Supposons là, qu'il y avait de vos collègues qui se présentaient et que vous décidiez de vous présenter quand même. Quelles sont les grandes valeurs qui manqueraient à ces gens-là pour que vous vous disiez « Ah non, là, franchement, là, il manque ça puis ça, faut que j'y aille. » Ça serait quoi? On ne connaît pas encore le contenu. Mais pour vous, là, qu'est-ce qui est important au PQ, par exemple? La souveraineté, est-ce que c'est un des points importants? Ben, ça fonctionne fort. C'est pas mal pour ça que je suis rentré. Okay. Ça fait 20 ans que je suis au Parti québécois cette année et clairement, souverainisme. En même temps, moi, je ne suis pas un idéologiste. Je suis plutôt pragmatique. Okay. L'état des finances publiques, où est-ce qu'on est rendu, la jeune génération est clairement tournée vers l'international, vers des valeurs plus extraterritoriales. Comment le nationalisme s'inscrit là-dedans? Comment l'enjeu de la langue... Moi, l'enjeu de la charte, on m'a posé la question à l'Assemblée nationale ce matin avec des questions beaucoup moins comiques que les vôtres. Et l'enjeu de l'identité, c'est beaucoup la langue. C'est celui-là qui aurait dû être de l'avant. Puis aussi l'intégration des gens qui choisissent de venir chez nous de l'immigration. C'est des enjeux identitaires importants. La culture, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé pendant la campagne. Vous aurez l'occasion d'en parler avec Sylvie Moreau tout à l'heure. C'est des enjeux qui sont importants, mais en même temps, on ne peut pas faire abstraction du contexte budgétaire. Il faut créer de la richesse si on veut à répartir. Moi, je suis député d'une région qui a des taux de défavorisation là, qui sont dramatiques. Alors, il faut tenir compte de tout ça. Et aussi, il faut se dire une chose, le Parti libéral a un seuil incompressible d'à peu près 45 sièges. Qui arrive n'importe quoi, à 8h10, soirée électorale, ils sont en avance dans 40-45 comtés. Alors, ils sont peut-être là pour des années, comme le PRI au Mexique. Alors, si on veut les battre, là, il va falloir se poser un certain nombre de questions. Et j'écoutais les gens de Québec solidaire qui disaient « Jamais on va s'asseoir avec Pierre-Carl Péladeau, puis le Parti québécois, c'est terrible. » Donc, on était comme l'adversaire. Là, on pose la question de l'avenir du Parti québécois. Est-ce qu'il devrait poursuivre? Est-ce qu'il devrait disparaître? Québec solidaire a toujours bien 10 fois moins de députés que le Parti québécois, puis on ne pose jamais la question. Et à un député par élection, ça va prendre combien d'années avec la Révolution se fasse? Ben, je pense que l'ensemble des souverainistes... Tu sais, ça prend un parti de gauche aussi, là, Québec solidaire. Est-ce qu'il pourrait avoir... Alors, j'ai une suggestion, moi. Ouais. Est-ce qu'il pourrait avoir un parti de gauche fédéraliste pour donner une alternative à des gens. Le PD travaille là-dessus. Je pense que le Parti libéral prend pour acquis pas mal de monde. Moi, je les vois aller dans certaines résidences pour personnes âgées dans mon comté. Ils font ça. Et c'est clair. Mais c'est très sérieux, ça. On m'a encore raconté des histoires comme celle-là. Ils prennent pour acquis beaucoup de gens. Et je pense que cette élection-là, ils l'ont pas gagnée, on l'a perdue. La nuance est importante. Alors, vous avez fait une très bonne campagne, ça, il n'y a pas de doute là. Et vraiment, ça, c'est... Vous savez, Jean-Philippe, un moment donné, les médias ont rapporté que j'avais eu un malaise. Hein? Oui! J'avais eu un malaise. Ben, quelqu'un m'avait fait une prédiction sur l'issue de l'élection juste avant le discours, et puis c'est là que vous avez... ça m'a affecté. Ça va lâcher. Les gens m'ont lâché. Les gens m'ont lâché. Oui, je comprends donc. Mais parlant de lâcher, on se serait dit qu'après une ou deux semaines, vous auriez lâché le morceau de la charte, mais vous l'avez quand même gardé pendant la campagne électorale jusqu'à un certain point, et on ne peut pas dire que ça a scoré fort, fort. En rétrospective, là, la charte, c'est une bonne idée? En tout cas, visiblement, l'avis du ministère de la Justice ne vous intéressait pas tant que ça. Fait que c'était. C'est-tu vraiment une bonne idée? Moi, je pense que l'encadrement des accommodements dits raisonnables, c'est important. 95% de la charte était intéressé à peu près tout le monde. Beaucoup de gens, malgré que j'aurais aimé tester Philippe Couillard là-dessus, si vraiment il aurait accepté qu'on aille aussi loin que ça. Vous parlez de Monsieur le Premier ministre. Avec le Premier ministre, avec qui je partage une passion pour la pêche au saumon. Bon, voilà. Hein? Bon. Ouais. C'est ça. Regarde, la partie libérale. Ben là, il faut bien se trouver des liens. Là. Quatre ans là, à demander des choses au gouvernement libéral vont compter, fait qu'on va se trouver des liens. La charte, c'est un enjeu qui était important. On a choisi de le faire. Quand tu es membre du Conseil des ministres, tu es solidaire, tu fais des débats à l'intérieur, tu dis ce que tu en penses. Une fois que la décision est prise, tu te l'as lu et tu l'assumes. Et est-ce que Pascal Bérubé était d'accord avec la charte dans son entièreté? Il est d'accord avec toutes les positions qu'il a prises au gouvernement du Québec. C'est ça. Je suis pas du genre à me défiler. Non, mais là, Pauline est partie, là. Mais je suis tenu par le secret du Conseil des ministres. Ah oui? Ah oui? Ouais. Ah, on n'aurait pas même si le Conseil n'existe plus? Vous savez que pour 25 ans, les procès-verbaux du Conseil des ministres, pour 25 ans, sont protégés, mais la plupart d'entre nous seront là dans 25 ans. Alors, décéder, mais dans alors si l'émission, est toujours, si mais l'émission regardez, est toujours en onde, regardez, on en parlera. Ils peuvent pas nous arrêter d'être en onde, alors on attend. Oui. Comme la semaine, moi, je propose qu'on arrête ici, on attend. C'est comme la semaine verte, c'est comme le jour du Seigneur. Ouais. C'est comme second regard. Ouais. Second regard. Fait qu'en gros, vous n'étiez pas nécessairement content. Non, parce qu'on entendait Alexandre Cloutier qui disait qu'il n'était pas nécessairement très d'accord non plus. Je pense qu'il y avait... les plus jeunes députés étaient moins en accord. Mais Alexandre était au Conseil des ministres aussi. Oui, je sais, mais on l'a entendu quand même là-dessus. C'est pour ça que je me dis, garde, Alexandre s'est laissé aller, pourquoi pas Pascal? Fait que vous étiez moins d'accord. Mais je comprends, c'est normal. Ben merci beaucoup. Vous restez avec nous, parce qu'on va recevoir Sylvie. Ah ben oui. Ouais, d'accord, génial. Vous savez que la NBA sévit suite au commentaire raciste d'un propriétaire d'équipe, et on a très, très hâte d'entendre l'opinion de Jean-Étienne Heude là-dessus. On écoute. Vous écoutez le Radio Vision, le 14:30 AM. Jean-Étienne Heude au microphone qui salue le retour de Gladys, de sa grosse grippe. La magie du bouillon de poulet boucanier a fait le travail. D'ailleurs, je remercie aussi la bienveillante Marie-Augustine Fergus pour l'envoi des deux gris-gris. Ça fonctionne bien, bien. Mais le retour de Gladys n'est pas la seule bonne nouvelle dans la semaine. Mes frères, j'ose à peine croire ce que je vais dire. Mais le racisme est peut-être en train de reculer. J'hésite encore à laisser mon cœur se rouler dans l'allégresse. Mais le bannissement à vie du propriétaire des Clippers de Los Angeles, Donald Sterling, a de quoi réjouir notre communauté. Voilà un homme richissime qui se tapait une jeune femme noire, mais qui ne voulait pas qu'elle s'affiche avec Magic Johnson sur Twitter. C'est ce qu'on appelle vouloir le beurre noisy et l'argent du beurre noisy. Mais le beurre noisy goûte parfois amer. Heureusement, la NBA s'est tenue enfin debout et a banni ce sombre lascar à vie. Je crois qu'on peut au moins fêter ce maigre succès. Vamrai un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, c'est mieux. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que la Ligue nationale de hockey emboîte le pas à la NBA et se tienne debout. Fini les commentaires désobligeants envers Pernell Kaltsuban, l'appel des Antilles sous la glace, l'étincelle de la Sainte-Flanelle. Mais surtout, il serait grand temps que la LNH ferme le clapet au Donald Sterling de la CBC, c'est-à-dire Don Cherry, camouflé derrière des accoutrements dignes du carnaval des Gonaïves. Don Cherry, bouché à panne dimanche. Lui qui parle sans arrêt contre les Russes, contre les Suédois, contre les francophones et contre Piqué-Souban. Honte à toi! Je souhaite qu'un jour où la vieillesse t'aura habillé de sa chape de plomb, un préposé aux bénéficiaires noirs te laissera mariner dans ton propre caca. En hommage à tes propos onduliers. Oh! Bon, on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, mon bon Jean-Philippe, toujours en direct d'hier à la manifestation des Amis de Radio-Canada. Ouais. Et je me trouve actuellement avec Monsieur Alex Levasseur, vous le savez, qui est président du syndicat des communications de Radio-Canada. Monsieur Levasseur, bonsoir. Et bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Dites-moi, honnêtement, là. C'est vous qui êtes avec nous, là. C'est vous qui êtes avec nous, là. Effectivement, effectivement. Mais dites-moi, qu'est-ce que tout le monde fait ici aujourd'hui? C'est-tu vraiment grave qu'on dégraisse Radio-Canada? Je veux dire, quand on regarde Cap sur l'été, on sait qu'il y a encore du dégraissage à faire. C'est pas grave qu'on dégraisse parce qu'il n'y en a plus de graisse. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. On est à l'os. Et on a besoin de le manifester, de le montrer. Bon, excellent. Et un secteur, évidemment, aussi, qui a été beaucoup éprouvé, c'est l'information. Depuis 5 ans, près de 20% du budget de l'information française a été amputé. Mais la question qu'on se pose, en 2014, avec Internet, est-ce qu'on a encore besoin de ça, des journalistes? Je pense que Internet n'est pas encore tout à fait au point. Ils ne sont pas encore capables d'inventer des histoires, de les trouver. Alors, ça va prendre encore quelques années pour aider un petit peu nos ordinateurs. Hein? Mais évidemment, vous conviendrez quand même, au moins, avec moi, qu'à toute chose, malheur est bon. À cause des coupures, alors on jase à quitter l'écran. Venez pas me dire que vous marchez aujourd'hui pour le retour de cette émission-là. Mais pourquoi pas? C'est une très bonne émission. Et il en faut de tous les genres. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'il faut offrir une variété, une diversité dans le contenu pour tout le monde. Alors, Radio-Canada, c'est pour tout le monde. Monsieur Levasseur, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Et Jean-Philippe, je tente de vous avoir une plus grosse vedette dans quelques minutes. on espère fortement. Merci, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Vous écoutez La Soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui coûte moins cher annuellement qu'un boulon de chasseur F-35 pendant 5 minutes. Faites savoir, c'est à vous! Oui, j'aimerais réfléchir cette semaine avec nos auditeurs, une espèce de dialogue social, là, comme Philippe aime en faire. Oui, une réflexion qui s'impose, puisque de plus en plus de gens, et en premier lieu, Robert Poissy, la semaine dernière, dans nos studios, ne trouve plus drôle les blagues de surpoids de Gaétan Barrette. Ben oui. Moi, c'est drôle, c'est Robert Poissy que je ne trouve pas drôle, surtout quand il parle vélo en portant des lunettes de racquetball. Mais bon, ce n'est pas son travail d'être drôle, son travail est de faire en sorte que les automobilistes libéraux soient heureux. Donc, les blagues adipeuses, hein, on peut appeler ça comme ça, on peut le dire, c'est un sujet épineux. D'ailleurs, chaque fois que quelqu'un en propose une au sein de notre comité de rédaction, composé d'une 67 de personnes... 67! Je suis toujours le premier à m'y opposer, mais comme je suis le seul, ma voix compte peu dans la balance. Et on me répond souvent que c'est une tradition au Québec, alors que d'autres diraient plutôt que c'est de l'intimidation, le grand mal du siècle. Je le répète, je suis contre l'intimidation. J'en ai été moi-même victime d'abord à cause de ma faible vision. Moins 8,5 de myopie en 1983 en secondaire 1 au séminaire, quand on est le seul à porter un veston beige et une cravate en cuir gris. C'est pas long qu'on vous appelle fond de bouteille. Et plus récemment, depuis quelques années, en fait, de jeunes femmes me traitent régulièrement de gros pénis, et ça non plus, c'est pas facile. Je pense en être sorti plus fort et parfois même moins tendu. Mais, pour revenir à notre sujet, puisque comme le disait Pierre Desproges, je diverge et une verge suffit toujours amplement. Donc, qui a commencé les blagues de gros, hein? Les blagues méchantes? Dans notre histoire moderne, ce sont probablement les cyniques. Rappelons-nous leur fameux « As-tu vu mon briquet Lise Payette? Une grosse torche ». C'était sur l'album Exit en 1970, oui. Tout ça est véridique. Et que dire de celle-ci sur Ginette Renault qui, dans un bulletin de nouvelles narré par Marc Laurendeau, on y affirmait que des journalistes ont demandé à la chanteuse Ginette Renault si elle faisait du sport. Elle a répondu qu'elle ne jouait pas au tennis parce que ça lui faisait des gros poignets, qu'elle ne faisait pas de ski parce que ça lui faisait des gros pieds, elle se contente de faire de l'équitation. Alors, ce que les cyniques ont fait, c'est ce qu'on appelle l'humour caustique, terme qu'on retrouve une première fois dans la langue française dès 1490 dans le Guidon en François, un des premiers livres de chevet que j'ai possédé. Mais c'est en 1690 que la définition prend son sens définitif, comme dans l'exemple suivant. Donc, un homme est fort caustique lors qu'il est médisant, censeur, injurieux, qu'il est mordant en toute occasion. Vous comprendrez que les blagues sur les cheveux soyeux d'une chanteuse ou sur la tendresse dans le regard d'un politicien ne font pas partie de l'humour caustique. Ah, d'accord. RBO s'est spécialisé dans la chose caustique dans les années 80, à une époque où personne ne se demandait si c'était une bonne idée de briser la carrière de Belle Gazou. Une chanteuse au nom ridicule, certes, mais qui avait une carrière de chanteuse. Ce qui n'est pas le cas de bien des chanteuses d'aujourd'hui, qui en plus ont des prénoms comme Annick et des noms de famille comme Jean. RBO a été odieux avec énormément de gens, des gens vulnérables comme Roger Michael, Guy Boucher ou pire, Michel Louvain, qu'ils qualifiaient même d'homosexuels. Nous viendrait-il à l'idée ici à l'émission de parler de la supposée homosexualité de Michel Louvain? Pas pantoute. Pourquoi? Parce que Michel Louvain est socialement inoffensif. Voilà le nœud du problème, à mon avis. L'humour caustique n'est pertinent que lorsqu'il s'adresse aux bonnes cibles, c'est-à-dire celles qui détiennent un réel pouvoir. Voilà pourquoi on ne fait pas de blagues sur Michel Louvain et Ginette Renault. Ce qui nous amène au bon docteur Barrette. Parce que Dites-vous bien qu'on ne ferait pas de blagues sur M. Barrette s'il se contentait de sauver des vies, chose qu'il ne fait pas. On le laisserait tranquille s'il ne nous avait pas coûté 500 millions en fonds publics pour remplir les poches de la mafia des médecins spécialistes en pleine période d'austérité. Et on va se le dire, dans le contexte, c'est une crise de grosse augmentation. On n'en ferait pas de blagues sur M. Barrette s'il ne s'était pas présenté d'abord dans la CAQ pour faire 18 mois plus tard un gros verra de 180 degrés pour se présenter pour le PLQ. Question de se licher un gros cornet de crème glacée de pouvoir. Tant qu'il y aura des arrivistes, des opportunistes, des gens avides de pouvoir, il y aura l'humour caustique pour les prendre pour cible. Je sais qu'il y a un prix à cela. Et si c'est de me faire traiter de gros pénis, j'accepte humblement ma destinée d'humoriste caustique. On va retrouver Jean-Sébastien Girard. Encore une fois, Jean-Sébastien. Ah, Jean-Philippe, toujours en direct de la manifestation pour un moratoire sur les compressions à Radio-Canada. Oui. Et je me trouve présentement avec une grosse vedette de Radio-Canada, une grosse vedette qui préfère ne pas être identifiée. Alors, pour l'occasion, on va l'appeler Gisèle. Gisèle, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, Gisèle, la question qu'on se pose, évidemment, est-ce que les coupures vont vraiment porter préjudice à la qualité de la programmation? Je veux dire, avec un peu d'imagination, on peut quand même faire des miracles. Genre, on pourrait faire une émission pas de texte avec des acteurs qui font juste des grimaces qu'on pourrait nommer MDR. Comme ça, ou... Silence radio. Gisèle, une coupe qui a fait beaucoup mal, évidemment, c'est des coupes au sein de l'émission Enquête. Encore là, ce qu'on a envie de dire, c'est est-ce que c'est pas possible de s'adapter et peut-être de faire des enquêtes avec un petit peu moins d'ambition, genre trouver où les bas qu'on perd dans la fesseuse vont, ou encore quelle drogue a pris Pascal Bérubé pour penser qu'il pourrait se présenter à la chefferie du Parti québécois? C'est une très bonne idée, mais il y aurait également une autre suggestion, on pourrait appeler ça la quête et passer des paniers d'osier avec des poignées comme à l'église, pour aller ramasser des dissous pour compléter le budget. Mon Dieu que vous êtes amère, Gisèle. En terminant, courriel ici qui s'adresse à vous. Bonjour, Gisèle. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir d'autres émissions tomber? Je suis inquiet pour mes beaux téléthéâtres, les belles opérettes du dimanche et surtout pour l'avenir de M. Henri Bergeron et c'est signé Gilles Languérand. Oh mon Dieu, M. Languérand m'apprend quelque chose. Est-ce que M. Bergeron a été coupé? On le souhaite pas. Ah, mon Dieu. Je veux surtout pas perdre mes beaux dimanches. Alors, merci infiniment, Gisèle. On vous souhaite de pas perdre votre emploi. Et Jean-Philippe, je tente de vous retrouver une plus grosse vedette dans quelques minutes. Oui, ça va mal à date, hein? OK, bye! Bye! Fred, notre deuxième invité. Elle nous enchante, nous fait rire et pleurer depuis plusieurs années. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Accueillons la comédienne Sylvie Moreau! Bon, ben, soyez-vous, hein? Mme Moreau! Hey! Est-ce que vous voulez une bière? Non. Ah, mon Dieu. J'en ai pris une avant de venir, si vous voulez tout savoir. Ouais. Ah, mon Dieu. Ouais. Ça commence les soirées en force. Ouais. Mais... OK, c'est vrai. Je voudrais pas rentrer dans les détails. Ah, oh, non, non. Hey, mon Dieu, on n'est pas ici pour ça. On est vraiment juste en superficie. on va commencer d'ailleurs. Juste, Pascal, est-ce que vous saviez que Sylvie est un peu responsable de la mort du Parti québécois parce qu'elle a voté pour Québec solidaire? Je ne savais pas. Ouais, elle a divisé le vote souverainiste. Ah ouais. C'était cœur en main. Hein? Je lui ai dit tout à l'heure qu'en politique, on était aussi des éternels pigistes depuis l'élection. Ouais. Ah ouais, hein, c'est ça qui se passe. Hein? Comment ça, vous avez voté pour Québec solidaire? Ben, premièrement, je veux dire que mon député est rentré. Ah oui, c'est vrai? Vous êtes dans quel coin? Oui, ben, oui. Votre député, c'est ça. Hein? C'est Amir. Non. C'est pas comme s'il fallait fouiller longtemps. Oui, c'est Amir Kadir. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. OK. Il n'y avait pas de deuxième main, c'était qu'à première main? Ouais, j'avais-tu dit premièrement? Il me semble que oui, non? Ah, non, ce que je sais pas, problème cerveau. Ah non, problème cerveau. Ça se peut que c'est moi qui n'ai pas écouté. Mais vous avez quand même participé au spectacle de rassemblement pour l'amour d'un Québec solidaire, comme plusieurs artistes d'ailleurs. Et je me demandais, il me semble qu'avant, là, c'était le Parti québécois qui était le parti qui faisait triper les artistes. C'est vrai, ça. Et là, il y a de moins en moins d'abeilles, je veux dire, en même temps. Dans le temps, Louis Forestier, là. Oui, ah! Le temps pour le PQ, moi, j'ai capoté dans ce temps-là. Ouais, ouais. Hein. Mais bon, j'étais pas né. Mais, mais comment ça se fait que c'est Québec solidaire là, qui représente mieux les artistes? C'est... Ben, je pense que c'est des valeurs, disons, plus socialement à gauche, des valeurs qui veulent dénoncer l'injustice. Et pas nécessairement un parti... Moi, je suis pas nécessairement quelqu'un qui veut voter pour le pouvoir. Non, ben ça. Je veux. C'est ça. Non, mais je veux dire, j'ai le désir d'exprimer mon point de vue et mes opinions de toutes sortes de façons. Puis en votant, je veux pas nécessairement voter pour les gens qui vont nous gouverner, mais exprimer mes opinions, exprimer mes sensibilités. Parce que là, on le disait tout à l'heure, le samedi, en fait, demain, il y a certains bénévoles qui vont se réunir pour parler de l'avenir du PQ, en fait, hein, et faire un post-mortem sur ce qui s'est passé. Puis il faudrait les aider. Hein? Uh-huh. Et je me dis, est-ce que vous avez déjà été péquiste, vous, Sylvie? Non. Jamais, eh, mon je Dieu. Je me dois de le dire. Ah, il boy. Est allé vite, le nom, hein? Non. Ben non. Ouais, non, mais en fait, c'est pas. C'est surtout que je m'excuse, là. Tout le monde va tomber en bas de sa ouais. chaise, peut-être, mais je n'ai jamais été souverainiste. Je n'ai jamais été indépendantiste. Je ne suis pas nationaliste. Québec solidaire aussi. Oui, non, je sais. Non, mais ça, mais je pense que c'est pas le. En ce qui me concerne, c'est pas la valeur moteur de Québec. Vous avez jamais passé des grosses soirées avec Paul Piché puis tout à chanter? Oui, puis on s'est ostiné. Ça, c'est intéressant. Oui, dans le temps de l'Hélénie. Mais c'est parce qu'en disant ça, en même temps, est-ce que vous ne vous bloquez pas des shows au TNM ou avec Yves Desgagnés? Non, mais c'est pas... Non, j'ai dû déjà le dire à Lorraine Pintal, de toute façon, ah ouais? Mais ouais. Non, ça ne me gêne pas du tout. C'est-à-dire que je trouve qu'on est dans un moment où, de toute façon... Enfin, moi, ce que je trouve très difficile dans la notion de nationalisme, c'est que puis on parle de culture, puis... Mais on s'est jamais intéressé pour vrai à la culture. Donc, ouais. Moi, c'est ce que je trouve extrêmement choquant. Mm-hmm. Quand on voudra vraiment trouver que c'est important la culture, on s'en reparlera. Mais bon, ben justement, on va parler de LOL, la TVA. Je peux pas parler, Jean-Philippe, si on parle de LOL. Là. Non, je sais, mais vous savez que LOL, qui est diffusé à TVA... est adoré par le fils de Lévi Niquette, qui a 6 ans, Victor. Et je me disais, est-ce que c'est un retour aux émissions jeunesse, ça, ou... Oui, ben, j'ai toujours... les bébés ont toujours été mon public cible. non, oui, les jeunes, j'ai toujours... Mais qu'est-ce qui explique que LOL, qui d'ailleurs fait 1,6 million de téléspectateurs, ce qui est à peu près la moitié de ce qu'on fait ici, oui. Quand même, bravo. Mais c'est un petit boost que vous aurez bien besoin. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne tant que ça, cette émission-là? Et écoute, je sais pas. Ben, je pense qu'il y a une notion de... Je pense que ça va toujours dans les archétypes, dans les clichés, dans les... Moi, il y a toutes sortes de blagues dans LOL que j'aime pas ou qui me font pas rire. Mais oui, je dis des affaires de même ce soir, là. Non, mais c'est bon! C'est juste yes! Qui vont être choquantes. Bon! Non, mais c'est choquant. Ils sont pas supposés. Hey, non, non, mais... Que LOL la fait pas rire, c'est choquant. Non, mais on en parle plus tard. Non, mais justement, mettons, justement des blagues ouais. de gros, des choses comme ça. Ouais. Moi, ça me fait pas rire, je suis pas contente. Mais il semble que les Japonais en demandent beaucoup. C'est même pas une blague, ce que je vous dis là. Ça, c'est bien chien, ça. Nos producteurs disaient que les Japonais raffolent de ce type de gag et que donc, vous savez, là, les vendus partout dans le monde. Donc, il faut des blagues pour les Japonais, il faut des blagues pour... Puis mais à quelque part, je me demandais quand je lisais un peu sur Sylvie Moreau, pourquoi... Tu lis? Bon, rarement. Ah! Mais, bon, mais des fois, sur le bord, sur la table de chevet, j'ai un petit peu de Moreau, sûrement. Enfin, je me demandais, qu'est-ce qui peut bien intéresser Sylvie Moreau dans une série télé où est-ce qu'il n'y a pas de texte? Mais vous avez fait du mime, vous. J'ai fait du mime corporel, 4 ans. Mais du mime corporel, mais y a-tu d'autres types de mime que du mime corporel? Oui, c'est parce que... Le mime spirituel, c'est du comment? Le gros drame du mime corporel, c'est qu'il est confondu avec la pantomime. Alors, pantomime, ça, c'est les gants blancs, là. Pantomime, c'est mimer le réel qui n'existe pas. Ah! Le mime corporel, c'est exprimer la pensée par le corps. Hein? C'est le bout de drôle de l'émission. Mais supposons, là, on est à radio, on va pousser ça à l'extrême. Tu veux que je te fasse une démonstration? Oui, exprimez-moi le mime par le corps dans ce qui vous vient en tête en ce moment, là. Ah, c'est... Si vous étiez là, vous ririez. Non, mais là, c'était du mime comique. Ah. Tu sais, c'était pas vraiment senti, je me dois de le dire. Mais quand on s'intéresse... quand on s'intéresse au mime, pas de blague, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on va aller développer? Parce qu'on le sait, je veux dire... À un moment donné, il faut vivre dans la vie. Tu sais, c'est correct, là. Et puis, faut aussi faire ce qui nous intéresse. Mais il y a un paradoxe là-dedans, parce que c'est pas comme si on sait que le mime, ça va m'amener vraiment où est-ce que j'ai... Mais dis donc bien à l'argent, Jean-Philippe. On fait pas tout pour l'argent. Non, c'est pas la question que je vous pose. Okay, c'est pas la question que je vous pose. J'ai mal compris. Là, on n'est pas capable d'élever des cochons puis de vivre avec nos légumes qu'on fait pousser, là. C'est plus de main, ça marche, OK? Vous savez, il faut avoir une de base. On peut s'intéresser au mime, c'est bien correct. Mais maintenant, il y a... Mais non, mais il y a un paradoxe à un moment donné. Marcel Marceau a une belle carrière. Hein? Il a fait beaucoup plus d'argent. C'est un pantomime, Marcel Marceau. Ah. C'est ça qui a attendu. Je l'ai assez, lui, là. Sa maudite fenêtre, il va faire 5 minutes de la cuisine avec ma question compliquée, la marche contre le vent. C'est ça. Bon, on va passer à un autre sujet parce que vraiment, là, ça m'intéresse plus cette affaire-là. Non, le corps, l'acteur est un être en trois dimensions, Jean-Philippe. Le corps est un instrument. Il y a la voix, il y a le corps, il y a les émotions. Mais le corps, moi, j'ai toujours trouvé ça très important. mais dans le fond, c'est comme un champ d'étude pour quelque chose d'autre aussi, je veux dire. Oui, c'est un solfège. C'est un aspect technique de notre art qui est cultiver notre présence physique, comprendre le rythme, apprendre à se transformer physiquement. Mais je vous suis, là. C'est parce qu'à un moment donné, je pense qu'on est rendu au bout de ce sujet-là. Mais je pense que oui. Mais non, mais... est-ce qu'il y a une émission récemment, Radio-Canada, puis je vais dire, au Québec... qui a parlé du mime corporel récemment. Bien dans son assiette, je pense qu'ils ont fait. Comment mimer non, les repas? Non, j'en ai parlé avec Catherine Perrin. Non, mais je parle d'une autre émission là. En général, là, ça compte pas. Là. Non, c'est très ça. Rare, bon, évidemment. Écoute, on en a parlé ici. Ah, coché. Ben merci, bon. Bravo. Ouais, j'en reviens pas. Mais je sais que ça va être le bout coupé, hein. Je sais pas. Non, on va essayer de faire ça d'un temps pour garder ça parce que c'est franchement intéressant. par contre, le bout coupé, c'est peut-être le prochain. Là. vous avez joué dans un film qui s'appelle J'espère que tu vas bien 2. Oui, oui. Qui est un projet de David Lahaye. Mais fait de toute une équipe. Je ne sais pas si les gens savent, mais J'espère que tu vas bien. 2 est un film, un long plan séquence d'1h30 environ, qui fait beaucoup place à l'improvisation. En fait, ça me fait beaucoup c'est penser à la campagne électorale. C'est pas ça fait beaucoup place, c'est entièrement. 33 jours de plan séquence. Oui, 33. Ouais. Un peu de montage vous aurait aidé. c'était pas dans le mandat d'Yves Desgagnés. Pourtant, il a fait un travail extraordinaire avec son docu-fiction. J'ai jamais su ce qu'il faisait finalement dans le camp. Monsieur Desgagnés? Non. Je pense qu'il faisait bouger les mains de Pauline. Enfin. Mais donc, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut revenir aux vraies choses? J'espère que tu vas bien, deux, qui était le projet de David Lahaye et puis de toute l'équipe. Donc, un plan séquence d'1h30 d'improvisation qui a reçu des super bonnes critiques, bien honnêtement, mais qui n'a pas été à l'affiche très longtemps au cinéma. Mais ce projet-là est très, très intéressant parce que ça veut dire beaucoup de choses. Un, avec un budget... De quoi, 30 000 $? Oui, exactement. Pas de texte, donc c'est vraiment l'improvisation qui on donne la place ici. Mais pourquoi faire un film comme ça? Pourquoi on a envie de faire ça? Tu dis moi, là? Non, David, mais en général, je veux dire, tu sais, parce que à quelque part, c'est pas une équipe de 160 personnes, là. Je veux dire, vous étiez toutes dans cette. Non, mais je pense gang-là. Que c'est ça. Ce qui est le fun, c'est tout le risque, évidemment. Ouais. C'est l'aventure, c'est créé au moment où ça se passe. Mm-hmm. C'est sûr que pour un acteur ou une actrice, c'est fabuleux comme exercice. Ouais. Je sais que vous commencez une tournée avec les Country Girls. On a commencé, oui. Mais là, tout l'été, là, oui. Une centaine de shows pour chanter du country. Oui, et on est allé au Festival de Saint-Félicien, d'ailleurs, quelques années. C'est... Oui. Près du zoo. Excusez-moi, j'ai bien entendu. Une centaine de shows pendant l'été? Non. T'as-tu dit ça? Oui. Oh, j'ai vraiment pas écouté. C'est beaucoup, ça. Mais non, c'est pas ça du tout. Ah, Jean-Philippe, je me disais, pas. Je peux pas croire que 3, ça pogne 3-4 spectacles par jour. Juste, c'est ça. Hey! Non, excuse-moi, mais l'été peut commencer au mois d'avril pour plein de monde. Ah ouais? Je dis juste pas ici. Moi, je l'ai vu, le show. À Matane, avec une fille de Rivière-aux-Nantes qui s'appelle Sandra Dumarès, c'est ça. C'est excellent. Oui. J'ai bien aimé ça. Mais ça, c'est drôle parce que vous chantez du country et à quelque part, vous jouez des personnages. Un peu caricaturaux, qui jouent du country, mais dans des festivals, genre, dans des moments. Genoux. Dans des genoux. où les gens vous écoutent pour vrai, c'est pas ironique, là. Fait que là, vous vous retrouvez. Mais c'est jamais ironique. C'est-à-dire que dans le show, il y a des liens, les dialogues sont comiques, mais quand on chante, quand on fait de la musique, t'sais, c'est dur de faire de la musique comique. En tout cas, nous autres, on n'y arrive pas. Non, mais c'est pas ça qu'on fait. Ce que je veux dire, c'est que le show, on prend. C'est pas un show qui niaise le country du tout. OK. Non, c'est pas ça. Nos personnages sont pathétiques. Puis c'est sûr que souvent, on relève la dimension assez pathétique de l'univers country, puis des thématiques dans les chansons country. Mais sinon, il y a quelque chose de bien chaleureux là-dedans, puis de bien. Dans ces personnages-là, vous rêvez d'aller à Nashville. Ouais. Mais supposons que pour vrai, vous y alliez, là. Bien, c'est ça, notre deuxième spectacle, c'est ça. C'est que dans le premier, on rêvait d'aller à Nashville. Puis dans le deuxième spectacle, les filles reviennent de Nashville. Puis c'était fun. Après des années de succès. C'était fun. Ben, c'est-à-dire que oui, les filles sont vraiment racontent un peu tout leur voyage, mais à la fin du show, le punch, c'est que... C'est que ça n'a pas marché pendant tout à Nashville. D'où le pathétique, tu sais. Puis en mime corporel, ça ressemblera à quoi? Ah, mon... Ah! Ah ben c'est vraiment intéressant. C'est juste là qu'on soit en radio. Merci beaucoup, hein, Sylvie. Vous restez avec nous parce que là, on va aller écouter la chronique du petit Olivier. Il ne fume pas de crack, mais il est quand même accro lui aussi à une substance nocive. La radio jambon, voici la chronique d'Olivier Niquette. Eh mon Dieu. Un accueil triomphal, on dirait que vous avez de la famille dans le public. Non. Il y a de la famille dans le public. Ben, l'ambition annoncée du gouvernement Couillard de couper dans les services devrait, selon plusieurs, provoquer le retour des manifestations, un peu comme pendant la crise étudiante. Pourtant, Denis Gravel de Radio X ne s'ennuie pas tant que ça de cet âge d'or des radios d'opinion et encore moins de ses protagonistes. Des connards et des macaques qui se comportent comme des idiots dans les rues de la ville, qui virent des chars de bord, qui se prennent pour des révolutionnaires alors qu'on est au fucking Québec, là. Ça me faisait chier. Tu représentes le problème qu'on a eu au Québec depuis 40 ans. Convaincu. C'est qu'on recule devant des insignifiants, des clowns, des pas bons, des communistes, des gauchistes, des braillards. Bon, ben, je pense qu'on a compris le concept, hein? En fait, Denis et son collègue Jérôme Landry n'ont rien contre les clowns, gauchistes, braillards, d'abord qu'ils soient respectueux. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui pensent que le modèle québécois il est vraiment super, pis on n'est pas dans la merde, pis tout va bien. Ah, il y a le droit de le penser, mais arrêtez de casser les fenêtres pis de tirer du gaz lacrymogène dans le métro, là. Tu fais rien avancer avec un sac de briques dans le métro. Ça, c'est vrai. Non, c'est ça. Non, pour faire avancer les choses, selon nos pompiers pyromanes, vaut mieux crier un troc d'insultes dans un micro. D'autre part, il a beaucoup été question de Joël Legendre et d'homoparentalité cette semaine, mais selon le docteur Mailloux, sans doute la meilleure personne pour nous éclairer sur tout ça, deux hommes ne peuvent pas s'occuper d'une fillette. Surtout qu'ils sont incapables d'allaiter à moins qu'un des deux prenne des hormones, se fasse stimuler et essayer de donner du lait. Ce qui serait surprenant. Leur substance laiteuse va se limiter à leur pénis, n'est-ce pas? N'est-ce pas que t'avais pas pensé à ça, mon Joël, hein? Tu vas faire comment pour les nourrir, tes petites filles? Non, mais ça paraît que ça n'a pas été réfléchi, cette affaire-là. Là, dans le fond, là, c'est juste un stunt. Ce gars-là, il veut se faire de la popularité, puis c'est trop d'une cause. Il veut être pionnier de l'ouverture à l'homosexualité. Ouais. Écoute, il fait pas la promotion de l'homosexualité, puis c'est tout juste. Écoute, abonnons-nous, puis joyeusement, là, soyons gay-lurons. Non, c'est vrai, moi-même, Joël Legendre, me donne le goût de devenir homosexuel. Si c'était pas de l'histoire d'allaitement, là, je me convertirais, c'est sûr. En attendant, je continue de suivre la série Canadien-Boston, et je suis plutôt confiant parce que le Canadien a toujours son arme secrète qui se fera aller la voix pour déconcentrer tout Carrasque, le gardien du Boston, là, et je parle bien sûr du duo Yvon Penneau et Jean-Charles Lajoie. Lui, il a dit, il nous a sauvés. Tout à fait. La tout Carrasque. La Tucarasca. La Tucarasca. La Tucarasca. La Tucarasca. Non, mais c'est quand même pas mal plus épeurant que Ginette Renault, ça-là. Ouais. Revenons maintenant un peu sur l'accident qui a coûté la vie à une cycliste cette semaine à Montréal. Un événement bien triste, mais qui sauvera peut-être plusieurs vies, puisque, comme l'explique Mario Dumont, le meilleur outil de prévention, c'est la peur. Tout le monde est en appel au civisme ce matin à faire attention, tout ça, puis malheureusement, les accidents arrivent quand même. Mais le début du commencement d'éviter un accident, c'est d'avoir peur. C'est de dire, moi, là, j'embarque sur mon vélo à chaque jour, je vis un... Je m'en vais travailler en vélo, je suis en danger. Ben oui. Et moi, j'ai un peu peur de Mario Dumont, des fois, et c'est pourquoi je porte toujours un chapeau en aluminium lorsque je l'écoute. Éric Duhaime et Caroline Proulx, toujours pragmatiques, ont discuté eux aussi mardi des solutions à entrevoir pour les cyclistes suite à cet événement avec un représentant du service de police de Montréal. Les cyclistes peuvent très bien rouler sur la trottoir s'ils descendent à côté de leur vélo. Honnêtement, envoyez-vous bien du monde, vous débarquez de leur vélo, vous roulez à côté de leur vélo, à pied. En fait, ça, je dois dire, oui, j'en ai vu. J'en ai vu ça. Non, Éric Duhaime n'a jamais vu ça, quelqu'un descendre de son vélo pour traverser un viaduc, ce qui est un peu surprenant parce qu'il m'a semblé déjà l'avoir entendu dire le contraire. Alors, je suis allé fouiller dans mes lointaines archives où j'ai trouvé qu'en effet, il avait dit l'inverse la veille, lundi. Il y en a beaucoup des cyclistes, par exemple, M. Auclair, qui débarquent de leur vélo parce qu'ils réalisent que c'est dangereux puis qui marchent sur le trottoir. J'en vois régulièrement, là, autant sur Saint-Sauvin que sur Saint-Laurent. Ils font ça parce que la voie est juste trop étroite en dessous du viaduc. Ah, la nuit porte conseil, faut croire. On soupçonnait Éric Duhaime de manipuler l'information, mais quand t'es tellement mêlé que tu te manipules toi-même, ben, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Ah là là! Hey, parlant de transport en commun, il y a la STM qui a dévoilé le prototype de ses nouvelles voitures et on a réussi à mettre la main sur le prototype de la publicité pour nous les présenter. On écoute. Plus grandes, plus larges, plus modernes, les nouvelles voitures Azure font leur entrée de nuit dans le métro de Montréal. Elles pourront accueillir plus de passagers que les voitures actuelles et pas seulement des itinérants. Fabriquées à l'apocatière, elles feront entrer le métro de Montréal dans le 20e siècle, contrairement à l'apocatière. Les Montréalais pourront profiter de voitures au design renouvelé, mais toujours aussi lentes lorsqu'un sac de croustilles vide tombé sur la ligne orange forcera une interruption de service pendant 45 minutes. Grâce au Wi-Fi installé partout dans le métro, vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux nos messages en temps réel vous indiquant qu'un sac de croustilles tombé sur la ligne jaune nous force à interrompre le service sur la ligne orange pour une durée indéterminée. Les sièges de plastique lustré vous offriront un confort exceptionnel lorsque viendra le temps de crisser le camp par terre après un arrêt brusque du métro dû à... on ne sait pas quoi. Les nouvelles voitures Azure du métro de Montréal... immobilisé sur la ligne orange dans toutes les directions dès 2018. Bon, on va les trouver encore une fois Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe! Donc, toujours en direct d'hier. Et j'ai finalement réussi à trouver une grosse pointure de Radio-Canada. Je me trouve présentement avec Robert Froisy de l'émission Culture Physique. Robert, merci beaucoup d'être avec nous. On le sait, le sport écope beaucoup à Radio-Canada. Mais la question qu'on se pose, évidemment, c'est-tu grave de voir l'espace du sport diminuer à l'antenne? Je veux dire, moi, si j'ai RDS et TVA à la maison, est-ce que j'ai vraiment besoin d'entendre les commentaires du hockey en français normatif? C'est ça la question, le français normatif. C'est sûr qu'on va entendre qu'on a joué contre et qu'on a donné notre pari sportif. C'est bien. Non, il y a des gens qui le font bien. Les réseaux spécialisés le font très bien. Nous, on faisait autre chose et c'est le autre chose qui va disparaître. Oui. C'est pas la chose qui va disparaître. On parle évidemment de votre émission Culture Physique. Que vous pensez que le public va vraiment s'ennuyer de vos reportages sur les lignes de bowling pour myopes, lesbiennes, serbo-croates de la Valtrie, par exemple? Oui, mais moi, j'ai hâte d'entendre, par exemple, Denis Lévesque et Dave Morissette parler, par exemple, du soccer qui vient en aide aux enfants soldats. J'ai vraiment hâte d'entendre ces gens-là, qui sont des représentants élus par le public, nous parler de sujets aussi graves que ceux-là, effectivement. Ils vont sûrement gagner des prix artistes, de toute façon. Et en terminant, évidemment, Robert, la question qu'on veut vous poser, dit toujours, le Canadien, en combien? D'après vous, est-ce que les frères Plekanec vont faire un blanchiment ou un tour du chapeau? Ben, je crois qu'on a bien fait de pas vous confier les sports, d'abord. Et ensuite, le Canadien en 6. All right! Alors, le Canadien en 6, vous l'avez entendu ici. Merci infiniment, Robert. On vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Et comme dirait Jean, notre réalisateur un peu confus, on croise évidemment les doigts pour que René Lecavalier conserve son emploi à Radio-Canada. Merci beaucoup. Merci Jean-Sébastien. Continuez à manifester là. Ouais. À la semaine prochaine. C'est déjà tout pour l'émission cette semaine. Restez à l'écoute dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe. Vous les connaissez évidemment, Marie-Hélène Racicot, Steve Côté, Jean Gagnon, Philippe Roberge. Et merci à nos invités de ce soir. Sylvie Moreau, merci énormément. On vous écoute partout. Cet été, on vous écoute en spectacle pour un de vos 100 spectacles que vous allez faire. 100 moins de 85. Mais c'est quand même pas mal. Ben, là. Oui. Et Pascal Bérubé, merci énormément. Bon 4 ans dans l'opposition, mais on va savoir avant ça, j'imagine, avant les élections de 2010. Le mandat est encore jeune. Ah, merci Pascal. Merci énormément. Si vous voulez assister à l'émission, on enregistre les vendredis à 16h. Vous nous réécoutez sur iTunes et nos invités la semaine prochaine, André Robitaille et Jean-François Mercier. Oui. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de passer une bonne soirée, qui est encore jeune.